Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 24. Du sujet de la charité. Quelle faculté sert de sujet à la charité? Production de cette vertu en nous, son accroissement, sa perfection, ses 3 degrés, elle ne diminue pas, on la perd par le péché mortel. 1. La volonté est-elle le sujet de la charité? La charité, dont l'objet est le bien intelligible et divin que notre esprit seul peut percevoir, a pour siège en nous l'appétit intellectif, qu'on appelle la volonté, et non pas l'appétit sensitif, qui se rapporte au bien perçu par les sens. Note. La faculté concupiscible, laquelle fait partie de l'appétit sensitif, ne s'étend pas au-delà des biens sensibles. L'appétit intellectif seul peut atteindre le bien divin, qui est un bien intelligible. La charité réside aussi dans la raison, à cause de l'affinité de la volonté avec l'intelligence, mais la raison n'en est pas la règle première. La charité de Jésus-Christ, disait l'apôtre, surpasse toute science. Éphésiens 2, 19. Fin de la note. 2. La charité est-elle produite en nous par infusion? La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Romains 5, 5. La communication de la béatitude, sur laquelle est fondée l'amitié de la charité, et dans l'ordre des dons surnaturels, comme on le voit par ce mot de l'apôtre, la vie éternelle est une grâce de Dieu. Romains 6, 23. Il s'ensuit que la charité, dépassant toute puissance naturelle, ne peut être en nous, ni comme produit de la nature, ni comme acquisition de nos facultés naturelles. Elle nous est infuse par l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, amour dont la participation est pour nous la charité créée elle-même. Note. Quoique l'amour de Dieu fondé sur la communication des biens naturels existe naturellement chez tous les hommes, il n'en est pas de même de la charité fondée sur la communication de la béatitude. On a dit que, Dieu étant souverainement aimable, tant en lui-même que comme objet de la béatitude, nous n'avons pas besoin d'une habitude infuse pour l'aimer. Mais Dieu peut être souverainement aimable en lui-même sans être tel pour nous, à raison de notre penchant à aimer les biens sensibles. Pour l'aimer par-dessus toute chose comme objet de notre béatitude, il est nécessaire que la charité nous soit infuse surnaturellement. La pureté du cœur, la droiture de la conscience, la sincérité de la foi, lui servent de préliminaire, mais elles ne la produisent pas. Fin de la note. 3. La charité nous est-elle infuse en proportion de la capacité de nos facultés naturelles? Non, l'esprit souffle où il veut. Jean 3, 8. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, il distribue ses dons comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, 11. Puisque la charité dépasse les forces de la nature et que la grâce de l'Esprit Saint peut seule la produire en nous, sa quantité ne dépend ni de nos capacités, ni même de nos vertus naturelles, elle dépend uniquement de l'Esprit Saint. La grâce, a dit saint Paul, est donné selon la mesure des dons du Christ. Note. Dans cette parole, le Maître donna à chacun selon sa propre vertu, Matthieu 25, 15, il faut entendre que Dieu répand ses dons sur chacun des hommes en proportion de leur disposition, c'est-à-dire de leurs efforts pour s'en rendre digne, car tel est le sens du mot vertu. Mais ces dispositions, ces efforts proviennent toujours d'une impulsion du Saint-Esprit, qui, selon sa volonté, agit plus ou moins sur notre esprit. Aussi l'apôtre disait-il, Dieu nous a rendus dignes, en nous éclairant, de participer à l'héritage des saints. Colossiens 1, 12. Fin de la note. 4. La charité peut-elle s'accroître? Nous sommes appelés voyageurs, parce que nous tendons vers Dieu, dernier terme de notre béatitude. Plus nous nous en approchons, plus nous avançons. Or, comme, selon l'expression de saint Augustin, on s'approche de Dieu par les affections du cœur et non par les mouvements du corps, la charité, qui unit les âmes à Dieu, doit opérer ce rapprochement. Par conséquent, il est dans son essence de pouvoir augmenter, tant que nous sommes sur la terre. Du moment où elle ne le pourrait plus, notre voyage serait à son terme. 5. La charité s'accroît-elle par addition? La charité s'accroît en devenant plus intense dans un homme qui, par une plus grande participation avec elle, est plus disposé à en produire les actes. C'est ce qu'il faut entendre quand on dit qu'elle s'accroît dans son essence. Son accroissement ne provient nullement d'une addition de charité à une autre charité, la plus faible embrasse autant d'objets que la plus grande. 6. La charité s'accroît-elle par chacun de ses actes? L'accroissement de la charité ressemble, sous plus d'un rapport, à l'accroissement du corps. Notre corps ne croît pas par un mouvement continu, de telle sorte, par exemple, que, s'il a pris tel développement dans un temps donné, il a nécessairement grandi proportionnellement pendant toute la durée de ce temps. La nature prépare la croissance sans la réaliser, elle produit ensuite l'effet qu'elle avait préparé, en donnant l'accroissement réel. La charité, de même, n'est pas immédiatement augmentée par chacun de ses actes, quoique chaque acte prépare son accroissement, en ce sens qu'il nous rend plus disposés à en produire d'autres semblables. Cette disposition augmentant, nous produisons des actes plus fervents, et c'est alors que notre charité est réellement augmentée. Note. Tout acte de charité mérite un accroissement de la grâce sanctifiante, mais l'accroissement réel n'en est pas un effet immédiat. Il ne se réalise que quand un homme s'efforce d'agrandir la charité en lui-même. La répétition des actes peut se comparer à une multitude de gouttes d'eau qui finissent par creuser une pierre. Chacun d'eux concourt, comme disposition, à l'augmentation de la grâce, et le dernier, qui est le plus parfait, agissant en vertu de tous les autres, la réduit en actes. Toutefois, remarquons-le, on progresse dans les voies de Dieu, non seulement quand la charité s'accroît actuellement, mais aussi pendant qu'elle prépare son accroissement. Fin de la note. 7. La charité s'accroît-elle indéfiniment? Ce n'est pas, dit l'apôtre, que j'ai reçu tous les dons de Dieu, ou que je sois parfait. Mais je poursuis ma course en m'efforçant d'atteindre à la perfection. Philippiens 3:12. Qu'aucun fidèle, reprend la glose, ne dise, c'est assez, parler ainsi, c'est quitter la voie avant d'être au terme. La charité n'a rien dans sa nature qui impose une limite à son accroissement, elle est une participation de la charité infinie, qui est l'Esprit Saint lui-même. La cause qui l'a produit est d'une vertu infinie, cette cause est Dieu même. Du côté de son sujet, elle n'a pas de limite, à mesure qu'elle grandit, l'âme humaine reçoit une plus grande capacité pour aimer. Dès lors on ne peut, dans cette vie, assigner aucun terme à son accroissement. Note. L'accroissement de la charité se rapporte à la vie éternelle, et non à la vie présente. La capacité de la créature raisonnable devient plus grande à mesure que la charité augmente, comme le marque cette parole, mon cœur s'est dilaté. 2 Corinthiens 6, 11. Ne comparons point la charité du ciel, qui n'augmente point, à la charité d'ici-bas, celle-ci résulte de la connaissance de la foi, tandis que celle du ciel est en rapport avec la vision manifeste. Fin de la note. 8. La charité peut-elle être parfaite ici-bas? La charité, qui se fortifie, dit saint Augustin, se perfectionne, et, quand elle est parfaite, elle s'écrie, « Je désire être dégagé des liens du corps et être avec Jésus-Christ. » Cet état est possible en ce monde, il a existé dans saint Paul. La charité est parfaite par rapport à l'être aimé, quand on l'aime autant qu'il est aimable. Dieu étant infiniment aimable, il n'y a, sous ce rapport, que la charité par laquelle il s'aime lui-même qui soit parfaite, aucune créature ne pouvant l'aimer infiniment. La charité est parfaite dans le sujet aimant, quand il aime autant qu'il lui est possible d'aimer. Elle est parfaite, d'abord, lorsque notre cœur tout entier est toujours et incessamment élevé vers Dieu, mais cette perfection de la charité, exclusivement propre au ciel, n'est pas possible sur la terre, où, à raison de notre faiblesse et des nécessités de la vie, l'homme ne saurait penser sans cesse à Dieu, ni lui attacher toujours actuellement son cœur. La charité, en second lieu, est parfaite, du côté du sujet aimant, quand un homme se dévoue tout entier à Dieu et se consacre aux choses divines, négligeant tout le reste, autant que le permet la vie présente. Cette perfection est possible en ce monde, quoiqu'elle ne soit pas dans tous ceux qui ont la charité. En troisième lieu, la charité est parfaite chez celui dont le cœur est habituellement attaché à Dieu, de telle sorte qu'il ne pense ni ne veut aucune chose contraire à l'amour divin, c'est la perfection commune à tous ceux qui ont la charité. Note. Les péchés véniels sont contraires aux actes, mais non à l'habitude même de la charité. Ils répugnent à la perfection du ciel, et non à celle d'ici-bas, car, comme l'enseigne saint Jean, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous abusons. 1 Jean 1, 8. La perfection de la charité dans ce monde n'est pas une perfection absolue, et, pour cela même, elle est toujours susceptible d'accroissement. Il est remarquable que saint Thomas n'envisage pas la charité parfaite au point de vue des théologiens modernes, qui ont tant de peine à définir ce qui la distingue de la charité imparfaite. Nous ne serions pas surpris que toutes les subtilités dont cette question est hérissée, à notre époque, soient provenues du jansénisme, qui a défiguré les enseignements les plus élémentaires. Il est temps d'en revenir aux simples notions exposées dans cet article. Fin de la note. 9. Doit-on distinguer 3 degrés dans la charité, le commencement, le progrès et la perfection? Quand la charité est née, dit saint Augustin, on l'alimente, quand elle est alimentée, on la fortifie, quand elle est fortifiée, on la perfectionne. L'homme doit commencer par s'occuper de fuir le péché et de résister aux attraits de la concupiscence, voilà pour les commençants. Vient ensuite le travail qui consiste à s'appliquer d'une manière spéciale au progrès dans le bien, c'est le soin de ceux qui progressent. Enfin l'homme aspire à l'union avec Dieu, dont il veut jouir, ceci est l'œuvre des parfaits, qui désirent être délivrés de leur corps pour vivre avec Jésus-Christ. Note. Les commençants progressent, mais ce qui les occupe principalement, c'est la fuite du péché. Plus tard, ils travaillent avec plus de sécurité à leur progrès dans les vertus. Ils ne laissent pas toutefois de tenir l'épée d'une main, pendant qu'ils élèvent, de l'autre, l'édifice de leur perfection, comme ceux qui construisaient Jérusalem. Les parfaits progressent aussi, mais ce qui les préoccupe par-dessus tout, c'est l'union avec Dieu. Fin de la note. 10. La charité peut-elle diminuer? La charité n'est susceptible ni de diminution, ni d'augmentation dans sa quantité objective, mais, comme elle s'accroît dans sa quantité subjective, c'est sous ce rapport qu'il faut examiner si elle peut être diminuée. La diminution, si elle avait lieu, ne pourrait provenir que d'une action ou d'une cessation d'action. Que la cessation des actes suffise pour diminuer et même anéantir les vertus acquises, dont la cause est dans les actes humains eux-mêmes, nous le voulons. Il n'en est point ainsi dans la charité, qui a sa cause en Dieu seul, et non pas dans nos propres actions, elle n'est ni anéantie, ni diminuée, tant que la cessation de nos actes ne constitue pas un péché. Reste donc que sa diminution proviendrait de Dieu ou du péché. Or, dès que Dieu nous prive d'une perfection, c'est toujours par punition, comme quand il nous retire sa grâce à cause de nos offenses. Le péché seul méritant d'être puni, la diminution de la charité ne saurait avoir pour cause que le péché mortel ou le péché véniel. Tout le monde sait que le péché mortel, au lieu de diminuer la charité, la détruit complètement, et comme cause efficiente par l'opposition qu'il a avec elle, et comme cause méritoire de la privation de la grâce. Quant au péché véniel, il n'est ni la cause efficiente, ni la cause méritoire de la diminution de la charité. Il n'en est pas la cause efficiente, car, ne portant que sur les moyens, il n'atteint pas la charité elle-même, qui nous unit à la fin dernière. L'amour d'une fin n'en est pas moins grand parce que l'on commet un dérèglement à l'égard des moyens qui s'y rapportent. On en a la preuve dans certains malades qui désirent beaucoup la santé, quoiqu'ils n'observent pas le régime propre à la recouvrer, et dans les sciences elles-mêmes, où les erreurs sur les conséquences ne diminuent en rien la certitude des principes. Direz-vous que le péché véniel est la cause méritoire de la diminution de la charité? Quand on ne pèche que sur un bien secondaire, on ne mérite pas d'être puni dans un bien majeur. Dieu ne se détourne pas plus de l'homme que l'homme ne se détourne de lui. Si ce principe est vrai, le péché véniel, qui ne porte que sur les moyens préordonnés à la fin, ne nous fait pas subir une perte dans la charité, par laquelle nous sommes unis à la fin dernière. La conclusion de tout cela, c'est que la charité ne peut être diminuée directement d'aucune manière. Cependant, comme on appelle parfois diminution de la charité l'acheminement à sa ruine, on peut dire que le péché véniel la diminue indirectement, pour marquer qu'il en prépare la destruction. Note. Le péché véniel mérite seulement une peine temporelle qui doit être supportée sur la terre ou dans le purgatoire. Ceux qui prétendent qu'il atteint directement la grâce sanctifiante, doivent nous dire quelle diminution de la charité serait possible dans une âme qui n'en posséderait que le degré le plus simple sur la terre. Ils doivent nous expliquer aussi comment les hommes ne seraient pas punis d'une peine éternelle pour des péchés qui ne méritent qu'une peine temporelle. Les divers degrés de grâce sanctifiante sont un bien qui doit durer éternellement dans le ciel. Si vous admettez que le péché véniel prive d'un seul de ces degrés une âme qui en a 10, par exemple, n'est-ce pas là une privation éternelle, laquelle équivaut à une peine infinie endurée? Pourquoi, d'un autre côté, Dieu punirait-il le péché véniel d'un double châtiment? Ne peut-il pas augmenter en intensité et en durée la peine du purgatoire autant qu'il le veut? Pourquoi donc y ajouterait-il, comme par surcroît, une privation de grâce sanctifiante ? Fin de la note. 11. Peut-on perdre la charité ? Il est écrit, « J'ai un reproche à vous faire, vous avez perdu votre première charité. » Apocalypse 11, 4. La charité est inadmissible dans la céleste patrie, où le souverain bien qui convient à l'âme est vu par essence, mais on peut la perdre ici-bas, où nous ne voyons pas Dieu de la même manière. Au ciel, elle absorbe toute la capacité de l'âme raisonnable, tandis qu'ici-bas, où elle n'a pas la même puissance, l'âme ne se porte pas toujours actuellement vers Dieu. Dans les intervalles, il peut se présenter une cause de ruine pour la charité. 12. La charité se perd-elle par un seul péché mortel ? Un seul péché mortel mérite la mort éternelle, suivant ce mot de l'apôtre, la solde du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La charité, au contraire, mérite la vie éternelle, selon ces autres paroles du Sauveur, « Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jean 14, 21. Personne n'est en même temps digne de la vie éternelle et de la mort éternelle, donc on perd la charité par un seul péché mortel. La charité, en effet, consiste à aimer Dieu souverainement et à lui soumettre entièrement notre volonté par l'observation de ses commandements, que nous devons prendre pour règle de conduite. Ce qui est contraire à un seul commandement de Dieu, l'est aussi à la charité et suffit à sa perte. Si la charité était une vertu acquise qui dépendit de son sujet, elle ne serait pas détruite par un seul acte contraire, mais, comme habitude infuse, elle dépend de Dieu, qui la répand dans nos âmes par une action assez semblable à celle du soleil éclairant la nature. De même que le soleil n'éclairerait pas le monde, si l'on interceptait ses rayons, la charité fait pareillement défaut dans les âmes qui lui opposent l'obstacle du péché mortel, lorsque, par la transgression d'un précepte divin, elle renonce, de propos délibéré, à l'amitié de Dieu. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.